بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on est maintenant à la partie 27 dans la lecture des fatwas du Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fil Mashakil Al-Mulimma. Et on est toujours dans la section où le Cheikh répond aux gens qui appellent aux attentats terroristes et qui pensent que ces choses-là sont correctes, les attentats suicides également. Donc le cheikh, il réfute les gens qui pratiquent ces choses-là et il répond aux questions qui ont été posées à ce sujet-là. Le cheikh dit « Intashara, su'al, intashara bayna al-kathir min al-shabab, manshurat tufidu jawaza qatli rijal al-amn, wa khasatan al-mabahith. » وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم وأنهم في حكم المرتدين فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير. Donc la question qu'ils ont posée au Cheikh Al-Fawzan, c'est la question suivante. Il y a comme un pamphlet qui a été un pamphlet, c'est comme une brochure en fait. Ici en France, un pamphlet c'est autre chose, mais c'est comme une brochure qui a été distribuée parmi les gens, parmi beaucoup de jeunes, qui Yanni prétend qu'il est permis de tuer les hommes de sécurité et en particulier Yanni les al-mabahith, c'est les comme les agents secrets ou bien les hommes de renseignement, les gens qui travaillent pour les renseignements. Et ils disent que ça c'est une fatwa qui est attribuée à un des étudiants en sciences islamiques et il prétend que ces hommes de sécurité ou les agents de police, si tu veux, les agents de la paix ou bien les agents de renseignement sont pour eux des apostats. Ils ont jugé que ce sont des apostats qui ont quitté l'islam. Donc nous souhaiterions de la part de votre part qu'il y ait une clarification du verdict de la charia au sujet de cette chose et des conséquences qui découlent justement d'agir de cette manière dangereuse. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il répond à ce sujet-là. Il dit, Al-Jawab, هذا مذهب الخوارج. فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. فالذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارج والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم نسأل الله العافية يكون مثلهم ومنهم نسأل الله العافية ورجال المباحث من جنود المسلمين ويعملون على حماية الأمن. Donc le cheikh, il a répondu, il a dit ça là, les gens qui disent ces choses-là, qui font ça, ce sont des khawarij, ils sont sur la voie des khawarij. Il dit les khawarij, ils ont tué Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, c'est le meilleur des sahaba, après Abu Bakr, Omar et Othman. Donc celui qui se permet de tuer Ali ibn Abi Talib, n'est-ce pas qu'il va être capable de tuer les hommes de police ou les hommes de sécurité? Il est capable de tuer tout le monde, il est capable de tuer Ali, il est capable de tuer les autres. Ça, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas la même personne ou les mêmes personnes qui vivaient à l'époque de Ali radiallahu anhu. Sauf que l'idée qui est derrière, l'idéologie qui est derrière, la mentalité qui est derrière, la pensée qui est derrière, qu'est-ce qu'ils font? C'est la même pensée aujourd'hui qu'à l'époque. Lorsque le Khariji a tué Ali ibn Abi Talib, il se basait sur les mêmes idées et les mêmes croyances et les mêmes pensées que ceux aujourd'hui qui se permettent de tuer les hommes de sécurité ou les hommes de police ou les services de renseignement, et ainsi de suite. Et ça, c'est la voie des Khawarij. Et ceux qui leur ont donné la fatwa pour leur permettre de faire ça, il est comme eux et il fait partie d'eux. Et il dit que les hommes de renseignement, qui travaillent dans les renseignements, ils font partie des soldats des musulmans. Et ils travaillent pour préserver et protéger la sécurité. Et donc, celui qui les combat, il combat l'armée des musulmans. Hein? Et on a posé la question à Cheikh Ibn Baz. Ils ont mis en note de bas de page une réponse de Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. الشيخ ذي وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما نصه السؤال هل يعتبر عمل المتطوعين في التعاون مع رجال الأمن من الرباط أم لا الجواب عمل المتطوعين في كل بلد ضد الفساد مع رجال الأمن يعتبر من الجهاد في سبيل الله لمن أصلح الله نيته وهو من الرباط في سبيل الله لأن الرباط هو لزوم الثغور ضد الأعداء وإذا كان العدو قد يكون في الباطن واحتاج المسلمون أن يتكاتفوا مع رجال الأمن ضد العدو والذي يخشى أن يكون في الباطن يرجى لهم أن يكونوا مرابطين ولهم أجر المرابط لحماية البلاد من مكائد الأعداء الداخليين وهكذا التعاون مع رجال الهيئة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يعتبر من الجهاد في سبيل الله في حق من صلحت نيته لقوله أو لقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريين أو حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Donc le Cheikh Al-Fawzan il a répondu à cette question qu'on lui a posée. La question qu'on lui a posée c'est quoi? On lui a demandé, Samahatou Cheikh Abdelaziz ibn Baz, est-ce que la personne qui travaille volontairement, c'est-à-dire il travaille volontairement, sans salaire, il décide par lui-même d'aller pour aider les policiers et les hommes de sécurité ou les hommes de police, les agents de police, pour travailler avec eux et pour les aider dans leur travail. Est-ce que cette personne-là, il est considéré comme étant dans Ar-Ribat. Ar-Ribat, c'est quoi? Ar-Ribat, le cheikh, il explique, il dit, c'est de rester à la frontière, ou sur les limites, là où les musulmans ont établi leurs frontières, tu restes à cet endroit-là pour surveiller les frontières et pour prévenir en cas d'attaque de la part des ennemis. On appelle ça Ar-Ribat. D'accord? Ribat. Attends, je vais l'écrire, Inch'Allah. Est-ce qu'il est le crayon? Ah, ok. Barakallahu fi. Attends. Parce que aujourd'hui, on les appellerait des agents frontaliers. Mais à l'origine, on les appelle des Mourabitoun. Ar-Ribat. Et il y a une ville au Maroc qui s'appelle comme ça. Ar-Ribat. Ar-Ribat. Et le mot de ceux qui sont dans Ar-Ribat, comment on les appelle? C'est. Non. Il ne faut pas mélanger tout, hein. La frontière, c'est pas Ar-Ribat. Donc. Vous connaissez tous le mot marabout, hein, surtout si vous êtes d'Afrique, là. Bon, le mot marabout, ça vient de ce mot-là, mourabitoun, en arabe. Donc, le marabout, là, si tu le dis en arabe, ça vient de murabit. Le singulier, c'est murabit. Le pluriel, c'est murabitoun. On l'appelle murabitoun. À l'origine, les murabitoun, ce sont qui? Ce sont ceux qui restaient à la frontière des pays musulmans, protégés, pour protéger les pays musulmans des invasions des ennemis qui venaient de l'extérieur. Le cheikh, donc, on lui a posé la question. Est-ce que... Attends, je vais mettre les accents, parce que peut-être que... Arriba, c'est ça, c'est de rester aux frontières pour surveiller les frontières contre les ennemis. Al-Murabitoun. Donc, Arriba, c'est ça, c'est de rester aux frontières, surveiller contre les ennemis. À la base, c'est ça. Et ceux qui le font, on les appelle les Murabitoun. Donc, celui qui fait ça volontairement, qui s'en va aider les services de police, les services de renseignement, travaille, il fait ça volontairement. C'est-à-dire, il n'y a pas de salaire pour faire ça. Il travaille pas avec la police, mais il les aide. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui sont à Ribat? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui mentionne que pour ceux qui restent dans Ribat, ils vont avoir une très très grande récompense au jour de la résurrection. Que de rester, je pense, une nuit dans Ribat, il y a un hadith qui mentionne que celui qui fait ça, il aura une grande récompense. Je ne sais pas si je peux le trouver. Si je peux le trouver, je vais vous le mentionner tout de suite, Inch'Allah. Juste pour vous donner un exemple de la valeur de ce travail-là et à quel point c'est quelque chose de méritoire. Aujourd'hui, ça a pris un autre... Aujourd'hui, ça a pris une autre signification parce que les soufis ont donné à... En Afrique de l'Ouest, ils ont donné, et en Afrique du Nord, ils ont donné à ce mot-là une autre signification. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Ils disent, nous, on le fait, on surveille les frontières spirituelles. C'est ça qu'ils prétendent aujourd'hui, tu vois. Mais c'est en rapport avec le djihad, ok? Ça fait partie du djihad, de rester dans Ribat, ok? Parce que c'est l'endroit le plus dangereux. S'il y a des attaques, ça vient de la frontière en général. Donc, celui qui aide les hommes de sécurité, les policiers à faire leur travail et qui les avertit lorsqu'il y a des choses qui se font qui ne sont pas légales, qui ne sont pas correctes, est-ce que ceux-là sont considérés comme faisant partie de Arribat? Le cheikh, il répond, il dit, les gens qui travaillent volontairement pour aider dans tous les pays, contre la corruption et qui collaborent avec les hommes de sécurité, les hommes de la police, ils sont considérés comme faisant le djihad fi sabilillah. Hein? Pour celui d'entre eux qui a la bonne intention, qui a purifié son intention. C'est-à-dire pour celui pour qui Allah a purifié son intention, bien sûr. Parce que la base du djihad, c'est l'intention hein, qui fait la distinction. Et il dit... Et donc, dans ce cas-là, il fait partie du ribat, fisabilillah. C'est comme s'il est resté à supporter et à défendre les frontières dans le chemin d'Allah. Et le cheikh, il explique à ribat qu'est-ce que c'est. Il dit, ribat, c'est de rester dans les frontières pour protéger contre les ennemis. Donc, des fois, ça se peut que l'ennemi, il soit caché à l'intérieur des pays musulmans. Des fois, l'ennemi, il n'est pas de l'extérieur. Des fois, l'ennemi, et surtout à notre époque, il est même parmi les musulmans, à l'intérieur, même dans le pays. Et donc, les musulmans doivent s'épauler les uns les autres avec les hommes de la police contre cet ennemi-là, contre lequel on craint un mal et qui peut être caché à l'intérieur même de nos rangs. Donc, on espère pour eux, ces gens-là qui collaborent avec eux, qu'ils feront partie des murabitins, qui vont être comptés, calculés parmi ceux qui surveillent les frontières des musulmans. Et ils auront la récompense également du murabit, c'est-à-dire de celui qui reste dans les frontières pour surveiller et protéger les pays musulmans contre les ruses des gens qui essaient de s'infiltrer et de rentrer et de faire du désordre dans les pays musulmans. Et ça fait partie de même que également ceux qui collaborent et qui travaillent avec les gens qui font partie du comité ou de l'institution ou de l'organisation qui sont chargés d'ordonner le bien et d'interdire le mal, hein, ça aussi, ça fait partie de faire le djihad dans le chemin d'Allah pour celui qui a une intention qui a été pure et correcte. Donc, en Arabie Saoudite, il y a une organisation qui a comme devoir, comme rôle, d'enrayer tout ce qui est contraire à l'islam dans la société et d'ordonner le bien. Et ces gens-là, donc, même si toi tu fais pas partie de cette organisation-là, tu travailles pas pour eux, tu n'as pas un salaire, rien ne t'empêche de les aider dans ce travail-là, si tu es un musulman. Par exemple, toi, tu es témoin de quelque chose, tu vois quelque chose, tu entends quelque chose qui n'est pas correct, qui est contraire à l'islam, tu dois aller les dénoncer, ces gens-là. Tu dois aller les informer, les hommes de la police, les hommes des services de renseignement, pour que la corruption et le désordre cessent. Non, même dans un cas où les gouverneurs ne sont pas musulmans, il faut quand même travailler pour aider à ce que les gens qui font des crimes ou qui font des choses mauvaises ou qui font du mal soient arrêtés aussi. C'est toujours dans l'intérêt du bien. C'est toujours dans l'intérêt du bien. Et même Cheikh Ahmed al-Najmi, il a fait une fatwa, et c'était le mufti du sud de l'Arabie Saoudite, il a fait une fatwa dans laquelle il explique que des gens qui planifient ou qui organisaient des attentats terroristes, si on avait des informations sur eux et qu'on n'était pas dans un pays musulman, il dit il est obligatoire pour les musulmans de travailler à les dénoncer, ces gens-là, et à informer même les gouvernements non musulmans de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que le cheikh a dit, parce que les actes qu'ils vont faire, ça va faire du tort à l'islam et aux musulmans par la suite. Et donc de les faire arrêter, ça protège l'islam et les musulmans. Et donc il faut même aller, même dénoncer ces gens-là, même au kuffar, lorsque on sait que ça va faire que ces gens-là seront arrêtés. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc il y a des gens comme ça, comme si ils savent par exemple que ils font des choses illégales, ou qu'ils font des crimes, ou qu'ils font des choses haram. Dans certains pays musulmans, qu'est-ce qui règne? C'est la loi du silence. Personne ne parle, hein, personne ne dit rien. Ils voient même un crime qui se fait avec leurs propres yeux. Devant leurs yeux, ils voient la chose, c'est haram, c'est clair. Personne ne dit rien dans la société. Personne ne parle. Et la police arrive, ils demandent mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Personne dit un mot, comme si personne n'a rien vu, alors que tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé comme il faut. Hein? Et personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas compris l'islam comme il faut. Si les gens avaient réellement compris l'islam, ils seraient eux-mêmes les premiers à aller voir les policiers pour dire voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Un tel, il a fait ça, l'autre, il a fait ça, l'autre, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Parce que ça fait partie de s'aider dans le bien. At-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa. De s'encourager et de s'aider dans le bien et dans la piété, et de ne pas s'aider dans le péché, dans la transgression des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui aujourd'hui qui dénonce quelqu'un qui fait des crimes, qui fait de l'injustice ou qui fait des choses mal, contraire à l'islam, on le traite de taupe ou de porte-panier ou de munafiq ou de toutes sortes d'autres noms. Alors que ça, c'est qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'est-ce qui est ordonné par l'islam et qu'est-ce qui est obligatoire dans l'islam. Hein? Donc le Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il dit? Il cite un verset dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, ça c'est dans sourate Al-Ankabut, si je ne me trompe pas, c'est le dernier verset. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, et ceux qui luttent dans nos chemins, qui luttent en nous, nous allons les guider vers nos chemins. Et Allah est certes avec les bienfaisants. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍ فِي أُمَّةٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé un prophète dans une nation avant moi, excepté que parmi les gens de sa umma, il y avait avec eux des hawariyoun. Hawariyoun, ça veut dire des gens qui viennent pour aider les prophètes, des apôtres, des compagnons, hein, qui prennent sa sunna et qui suivent son exemple, hein, qui suivent son ordre. Thumma, hein, puis ensuite viennent après eux des gens qui suivent pas bien son exemple. Ceux qui suivent par la suite, ils viennent et ils font, ils disent ce qu'ils ne font pas. Et ils font ce qu'ils n'ont pas été ordonnés de faire. Quiconque les lutte contre eux avec sa main, alors c'est un croyant. Quiconque lutte contre eux avec sa langue, alors c'est un croyant. Quiconque lutte contre eux avec son cœur, alors c'est un croyant. Mais en arrière de ça, il n'y a même pas une graine de moutarde de foi. Hein? Donc ça, c'est les paroles de Cheikh Ibn Baz dans Majmu' Fatawa, le volume 6, à la page 123. Et donc, ça, c'est les paroles de Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. Combien de temps il reste avant la prière? 10 minutes. Ok, d'accord. Donc, on a le temps de lire une dernière fatwa, puis après ça, Inch'Allah, on va s'arrêter. Le Cheikh, il dit, « وَيَعْتَعَرَّدُ رِجَالُ الْأَمْنِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لِحَمَلَةٍ مُسْتَهْدَفَةٍ وَخَاصَةً الَّذِينَ يُوَجِهُونَ الْخَلَايَا الْإِرْهَابِيَّةِ فهناك من يتهمهم بكلام باطل ومنهم من يقلل من شأنهم ومنهم من يعتبرهم كفارا لأنهم أطاعوا الطاغوت في نظرهم ومنهم من يلصق بهم التهم السيئة لقصد تشويه سمعة رجال الأمن فما هي نصيحتكم لهؤلاء المرجفين الذين يعيشون يشيعون مثل هذا الكلام عبر القنوات الفضائية والذي يراد منه التقليل من هيبة رجال الأمن في هذه البلاد الجواب لا شك أن أصحاب الجرائم يعادون من يكشف جرائمهم من رجال المباحث وغيرهم وكشف جرائم المجرمين من أجل القضاء عليها وإراحة المجتمع من شرها أمر واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب على رجال المباحث ورجال الأمن ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعاون على القيام بهذا الواجب وهم مثابون على ذلك لأن هذا العمل فيه صلاح للإسلام والمسلمين وردع للمجرمين ولا يضرهم ما يقال فيهم من قبل المنافقين والذين في قلوبهم مرض. Donc le cheikh il dit qu'il y a des gens, aujourd'hui les agents de police et les gens qui travaillent dans le but de combattre les groupes terroristes, ils se font accuser de toutes sortes de fausses accusations et de paroles fausses qui a pour but de diminuer de leur importance, hein, et ils sont même considérés par certains comme étant des koufars parce qu'ils disent qu'ils ont aidé le tarout selon leur point de vue, hein, parce que pour eux, depuis que tu travailles pour le gouvernement, même si c'est un gouvernement musulman, ils vont considérer que tu travailles pour un tarout. Et donc, ils vont lui lancer toutes sortes de fausses accusations dans le but de salir son image et sa réputation. Et donc, quel est votre conseil pour ceux-là, alaykoum salam wa rahmatullah, pour ces gens-là, parmi ces murjifin, hein, qui veulent faire peur aux gens qui obéissent à Allah et qui suivent la voie d'Allah, hein, et qui transmettent et qui diffusent ce genre de paroles à travers les chaînes satellites, hein, et qui veulent par cela diminuer du respect qu'on doit aux hommes de la police et ainsi de suite dans ce pays. Et le Cheikh Al-Fawzan il répond, il dit, il n'y a pas de doute que les gens qui commettent des crimes, ils détestent et ils s'opposent à ceux qui vont découvrir et démasquer leurs crimes. Hein? Donc ils les détestent à cause de ça. Et donc ils détestent les agents de sécurité, les agents de, comme on dit, les services de renseignement, les agents de renseignement, ils les détestent. Et ils détestent les agents de police qui les recherchent et qui les attrapent. Donc, yani, ils détestent toute personne qui vont aider pour les arrêter et pour yani, débarrasser la société du mal que ces gens-là font. Et de débarrasser la société du mal que ces groupes-là, ces groupes de terroristes-là font, c'est une chose qui est obligatoire. Et lorsqu'une chose obligatoire. Lorsqu'une chose, comme la règle que les ulama de fiqh mentionnent tout le temps, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, c'est-à-dire lorsque quelque chose devient nécessaire dans le but d'accomplir une obligation, alors cette chose-là elle-même devient obligatoire. Donc il est obligatoire d'aider les gens qui travaillent dans les renseignements et d'aider également les gens qui travaillent pour établir la sécurité et la paix dans la société, et les gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, de collaborer avec eux pour établir cette obligation-là, et ils seront récompensés pour ça, hein, parce que c'est une action et un travail dans lequel il y a la réforme, hein, et le bien pour l'islam et pour les musulmans, et dans lequel il y a le fait de remettre à leur place les criminels. Et ce que ces gens-là disent contre les agents de police ou les agents de renseignement, ainsi de suite, ça ne leur nuit en rien. Ce que les munafiqines et les gens qui ont une maladie dans leur cœur disent à leur sujet, ça ne leur nuit en rien. Et il y a d'autres questions. Une autre question après, qui n'est pas trop longue, Inch'Allah, on pourrait terminer avec celle-là. سؤال هل يجوز التستر على من أراد بالمسلمين أو ببلاد أو بهذه البلاد شرا والجهات الأمنية تلاحقه لأننا سمعنا من بعض الناس أفتى بوجوب التستر عليهم وحرمة الدلالة عليهم. Ils ont posé la question au sheikh, est-ce que c'est permis de cacher ces gens-là qui veulent du mal aux musulmans et aux pays musulmans, parce que en particulier les gens qui travaillent pour la police, il y en a qui veulent cacher aux policiers ce que ces criminels-là font. Ils veulent les couvrir. Est-ce qu'on a le droit de couvrir ces gens-là? Il y en a qui ont fait une fatwa pour dire qu'il faut les couvrir puis les protéger et pas indiquer à la police qui ils sont. Le cheikh, il répond, il dit, « Al-Jawab, la yajouzu tasattur ala man yabitu sharran lil muslimin, bal yajibu على من علم بحاله أن يخبر عنه حتى يسلم المسلمون من شره. الرجل الذي كان مع الجماعة الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ذهب وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم بل نزل الوحي بتصديقه. فإذا كان هناك خلية فيها خطر على المسلمين وفيها شر على المسلمين فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنهم ليأخذوا على أيديهم ويكفوا شرهم عن المسلمين. Donc le cheikh il dit, il n'est pas permis de les couvrir. Toute personne qui veut faire du mal aux musulmans, on n'est pas permis de les couvrir. Il est obligatoire pour la personne qui connaît quelque chose de leur état d'informer à son sujet, pour que les musulmans soient protégés et exemptés du mal de cet individu. Et il y a l'exemple de l'homme qui était avec un groupe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'en allait à la bataille de Tabouk, et il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Il a dit, on n'a pas vu parmi les savants, parmi les sahaba, de plus peureux dans la bataille, de plus gourmand, et des paroles de ce genre. Alors celui qui était parmi eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur a dit, voici ce qu'un tel a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, t'as pas raison de venir m'informer. Au contraire, le Coran est descendu pour confirmer qu'est-ce que ce sahabi avait dit à leur sujet. Et donc s'il y a des groupes ou des individus qui représentent un danger pour les musulmans, il est obligatoire de transmettre l'information qu'on connaît aux responsables à leur sujet, pour qu'ils les attrapent et pour qu'ils protègent les musulmans de leur mal. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, on va lire d'autres fatwas qui vont clarifier encore plus cette question-là et qui vont ramener des détails et des preuves encore plus claires sur cette question-là et sur d'autres questions, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.